À ce moment-là, à Fife, alors que Lady Macduff se plaint du départ de son mari en Angleterre, un messager vient l'avertir de s'enfuir, elle et son fils. Trop tard, tous deux sont assassinés. Au début de la scène suivante, nous avons quitté l'Écosse pour l'Angleterre, dans une salle du palais royal d'Édouard, le roi qui fait des miracles de guérisseur. Dans cette salle, Macduff s'entretient avec Malcolm, le fils aîné du roi défunt, qui veut récupérer le trône de son père. Convaincu de l'honnêteté de Macduff, Malcolm est prêt à marcher sur l'Écosse avec les 10 000 soldats déjà préparés à partir sous la direction d'un général anglais, le vieux Siward, parent de Duncan. Apprenant alors l'assassinat de sa femme et de son fils, Macduff poursuit ainsi son entretien avec Malcolm. Je ne puis oublier qu'il a existé des êtres qui m'étaient si précieux. Le ciel a donc regardé cela sans prendre leur parti. Coupable, Macduff, ils ont tous été frappés à cause de toi. Misérable que je suis, ce n'est pas leur faute, c'est la mienne, si le meurtre s'est abattu sur leurs âmes. Que le ciel les repose maintenant. Que ceci soit la pierre où votre épée s'aiguise, Macduff. Que la douleur se change en colère. N'émoussez pas votre cœur, enragez-le. Ciel clément, coupe court à tout délai. Mets-moi face à face avec ce démon de l'Écosse. Place-le à la portée de mon épée. Et s'il m'échappe, au ciel, pardonne-lui aussi. Voilà de virer les accents, Macduff. Allons. Rendons-nous près du roi. Nos forces sont prêtes. Il ne nous manque plus que les adieux. Macbeth est mûr pour la secousse fatale et les puissances d'en haut font mouvoir leurs instruments. Acceptez tout ce qui peut vous consoler. Elle est longue, la nuit, qui ne trouve jamais le jour. »